Donc, je laisse la parole à Clara Gelf qui nous présente une entrevue avec Hélène Lépine du Y des femmes de Montréal à propos de la Journée internationale de la femme. Oui, bonjour Hélène Lépine, vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour. Donc, on vous a aujourd'hui en onde parce que donc demain, comme tout le monde le sait, c'est la Journée de la femme. Alors, je vais commencer avec une question qui va peut-être vous paraître un peu étrange. Qu'est-ce que vous pensez de la Journée de la femme? Qu'est-ce que je pense de la Journée de la femme? Ce que j'en pense, c'est que malheureusement, il doit y avoir encore une Journée internationale de la femme à cause de la situation de la femme qui, à travers le monde, partout où la femme a encore à lutter pour obtenir, dans certains pays, des droits inaliénables pour nous, mais dans d'autres pays, essayer d'avoir une égalité sociale, une égalité politique à tous les niveaux. Alors donc, pour moi, ce que je pense de la Journée internationale de la femme, c'est une journée essentielle et malheureusement, jusqu'au moment où on n'aura pas atteint cette société égalitaire à travers le monde, il y aura obligatoirement une Journée internationale de la femme. Oui, et c'est donc pour ça que votre association se bat depuis plus de 100 ans. J'ai vu que c'était l'une des associations les plus vieilles de, oui, disons, de Montréal et du Canada. Est-ce que vous pouvez alors nous expliquer ce que vous organisez pour cette Journée de la femme aujourd'hui et demain? Oui, nous, en fait, oui, effectivement, le Y des femmes, YWCA Montréal, existe depuis 1875. Et aide les femmes à acquérir autonomie, à se prendre en charge et à évoluer avec la société montréalaise. Alors donc, nous, actuellement, ce que nous préparons, c'est une... En fait, c'est ce soir, nous aurons une activité ce soir, un 5 à 7. On a choisi cette année de célébrer l'autonomie, de célébrer la résilience, de célébrer la persévérance des femmes qui sont passées au Y, qui s'en sont sorties ou qui s'en sortent actuellement. Donc, on va célébrer entre nous. Ce soir, nous allons parler d'autonomie, de notre place dans la société. Nous allons nous retrouver et nous y allons aujourd'hui et demain sur célébrer. Nous aurons aujourd'hui toute la journée et demain, nous allons afficher et s'exprimer entre nous sur quelles sont les femmes dans notre vie qui nous auront le plus inspirées. Alors, il y a des textes absolument magnifiques qui sont en train de sortir et qu'on étale partout dans le Y pour parler de la célébration des femmes et de ces femmes inspirantes qu'on a eues sur notre chemin. C'est-à-dire que vous avez demandé à d'anciennes participantes ou d'un, oui, voilà, de témoigner, en fait, c'est ça? Oui, il y a d'anciennes participantes qui ont été ici dans l'un ou l'autre de nos programmes et on leur a demandé de venir nous revoir et de nous parler de leur parcours, de ce qu'elles ont fait. Il y aura certains témoignages. Il y aura aussi, c'est un peu un happening aussi créatif. On a quelqu'un, une dame qui sera avec nous ce soir, elle s'appelle Claire Saint-Denis. On a une écrivaine journaliste congolaise qui travaille avec nous actuellement dans une de nos employées, Madame Mumbu, Marie-Louise Bibiche Mumbu. Elle fait de la musique et elle aussi et qui rendra hommage aux femmes avec ses mots et ses dessins et sa participation à notre soirée. Et les femmes qui ont participé un jour ou l'autre dans nos programmes seront là. Et alors, est-ce que ce 5 à 7, il est ouvert au public ou c'est... Oui, c'est ouvert. Oui. C'est ouvert grand public et j'invite les gens à se rendre. C'est au 1355 boulevard René-Lévesque Ouest, au coin de la rue Crescent. C'est un 5 à 7 ce soir. Alors, vous êtes bienvenus. Venez voir ce que nous sommes, ce que nous faisons et entendre ces femmes inspirantes qui seront là pour nous se raconter, nous raconter ou peut-être seulement être là et écouter ce qui se passe. Et j'ai lu aussi dans votre communiqué de presse qu'il y avait la diffusion d'un documentaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce documentaire, La cinquantaine d'ondaines? Oui, on a ici plusieurs programmes. On a un programme, entre autres, qui s'appelle Prévention, Action préventive et leadership. Et nous avons rencontré quelques femmes de la cinquantaine et plus. Et elles ont fait avec une cinéaste, Madame Bissonnette, elles ont fait un film qu'on appelle La cinquantaine d'ondaines, où elles rendent compte dans ce film-là, qui est tout doux, tout joli, qui sera d'ailleurs présenté ce soir, ces femmes s'expriment sur vivre la cinquantaine et le plaisir d'avoir 50 ans, mais aussi à quoi elles sont confrontées. Mais c'est fait tout en douceur, tout en beauté. Ce film s'appelle La cinquantaine d'ondaines. Très bien. Alors, vous disiez donc que ce soir, c'était un peu comme un regard en arrière sur l'association, sur ce qui a été fait. Est-ce que vous pouvez nous parler justement un peu plus de cette association, un peu plus en détail? Parce que la Journée de la Femme, c'est quand même ça, c'est quand même mettre en lumière le travail qui est fait pour les femmes, et notamment dans le cadre d'associations comme la vôtre. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur les actions qui sont menées par Y de la Femme de Montréal? Oui, alors le Y des Femmes de Montréal fait partie d'un groupe canadien qui s'appelle YWCA Canada. Le YWCA existe dans plusieurs grandes villes du Canada, et nous, à Montréal, nous sommes installés ici depuis 1875, en fait pas installés à nos bureaux actuels, mais nous sommes à Montréal depuis 1875, comme je le disais. Alors actuellement, ce que nous faisons actuellement, c'est que nous avons une mission. Notre mission à nous, c'est de bâtir ensemble un avenir meilleur pour les femmes et les filles. Et notre vision, c'est vraiment une société égalitaire qui permet aux femmes et aux filles d'avoir la possibilité de participer à cette société égalitaire à la mesure de leurs capacités. Ce que nous offrons comme programme et service, nous avons trois grandes sphères. Alors, nous offrons une résidence, des services résidentiels où nous avons 34 femmes qui habitent ici en résidence entre 6 mois à 2 ans, où ce sont des femmes qui ont été à risque, qui sont à risque d'itinérance ou qui sont d'ex-itinérantes ou qui ont vécu des problèmes de violence conjugale, familiale ou des problèmes de santé mentale dans certains cas. Elles viennent ici se reprendre en main, on veut qu'elles ressortent de chez nous avec une capacité d'avoir pris du pouvoir sur elles-mêmes pour pouvoir agir sur leur vie. Alors donc, cette résidence est ici, c'est ici entre nos murs sur OY. Nous avons aussi quelques appartements, ce sont des habitations à loyer modique, mais on appelle ça les jardins du OY. Alors nous avons des appartements aussi qui permettent à ces femmes, souvent des femmes qui sont passées par la résidence, qui viennent ensuite dans nos habitations à loyer modique. Nous avons un autre service qu'on appelle, qui porte beaucoup plus sur l'intégration socio-culturelle, sociale, culturelle, même économique chez des femmes. Alors donc, on a un programme d'employabilité. Notre programme d'employabilité est subventionné par Emploi Québec. Ce sont des femmes qui viennent ici pendant quelques mois et on travaille à leur permettre de retourner à l'emploi, au travail. Alors, on a un service qu'on appelle OSE, Orientation Service Emploi, où on permet aux femmes de monter un CV, de faire des entrevues, on les prépare, on regarde avec elles là où elles pourraient travailler. On a aussi une petite entreprise d'insertion. C'est la seule qui est à l'intérieur au Québec, qui est à l'intérieur d'un organisme. C'est une petite friperie boutique que je vous invite à venir visiter. C'est au coin de Creston. C'est Fringues et compagnie. C'est une très bonne adresse, mesdames. Venez voir. Un très bon plan. Oui, et là-dedans, dans cette belle entreprise, cette jolie petite boutique, ce sont des femmes qui apprennent apprennent le métier de technique de vente, de tenir les caisses, de travailler dans des boutiques ou des grands magasins. Alors on leur donne tous les critères et tout ce qu'elles ont à faire. Elles sont avec nous pendant 6 mois et elles sont subventionnées par Emploi Québec. Nous aurons dans quelques semaines une nouvelle boutique vintage qu'on appelle, où on pourra aussi enseigner à nos participantes de choisir les meilleurs, les plus beaux tissus et de reconnaître des vêtements un petit peu plus haut de gamme. Et ce sont des vêtements qui seront aussi en vente. On est en lien avec une dame qui nous fait prête, peut-être consigne ou même on pourra vendre ses vêtements. Donc, c'est notre petite entreprise d'insertion. Et nous avons bien sûr un secteur qu'on appelle Action préventive et leadership. C'est un lieu, en fait, c'est un de nos programmes qui se répand partout à travers la ville. Nous allons donner des formations, nous donnons des conférences, nous rencontrons des jeunes femmes dans les écoles, même des jeunes filles pour les préparer au secondaire et ce qu'elles auront à vivre. Alors, on a plein d'outils pédagogiques qu'on a fait. Le film Cinquantaine d'ondaines en fait partie. On a rencontré aussi des femmes plus âgées. Alors, donc, on a fait des outils sur l'hypersexualisation chez les filles. On travaille actuellement des outils pédagogiques pour les femmes, les filles dans les écoles. On travaille pour outiller, pour mieux agir. On a fait un film sur la difficulté d'être fille aussi et avec la difficulté face aux gangs de rue. On a un film qui a été fait là-dessus qui est absolument formidable. On a un groupe, un conseil d'action d'une quinzaine de jeunes filles et adolescentes qui travaillent ensemble à prendre du pouvoir sur elles-mêmes, ce qu'on appelle, nous, le leadership. Donc, ce sont des ateliers, des formations, des conférences, des outils pédagogiques. On a un secteur beaucoup plus bénévole aussi, où on a des avocats qui viennent ici tenir une clinique d'information juridique pour la modique somme de 10 $ de l'heure. Elles viennent ici et rencontrent des femmes et des hommes même qui auraient besoin d'un conseil juridique. Alors, nous avons notre clinique juridique qui offre aussi ces services-là. Nous avons plus de 500 bénévoles ici. C'était ma dernière question. Je voulais savoir, parce que tout ça, c'est quand même beaucoup d'activités et beaucoup de choses très différentes et très intéressantes. Combien de personnes travaillent au sein de cette association et combien de femmes vous recevez à peu près par, je sais pas, par mois ou par an? Nous avons ici 80 employés, bonhomme à l'an. D'accord. Nous avons qui sont pas nécessairement toutes à temps plein, mais selon les subventions que nous obtenons et selon bien sûr les projets que nous avons une base d'employés qui se partagent ce que je viens de vous dire selon les services que nous offrons. Ouais, ouais. Et nous avons 500 bénévoles qui participent. C'est énorme, mais elles ne sont pas toutes là tous les jours, mais elles viennent selon les projets, selon ce que nous faisons. Et nous sommes en train actuellement de réorganiser aussi notre service de bénévolat pour le rendre encore plus visible et rendre pour que ces femmes puissent enfin être en mesure de le faire. En termes de nombre, on parle d'environ 7 000 femmes qu'on rencontre. Mais c'est très difficile à mesurer parce qu'on va dans des écoles, on a des groupes, on a des conférences, on a nos 220 femmes en employabilité, on en a des jeunes femmes, on a un programme qu'on appelle Femmes chefs de famille, on en a une cinquantaine, on a nos 25 femmes dans notre entreprise d'insertion 2 fois par année. Alors voyez-vous, ça varie, mais c'est autour de ce chiffre-là que nous travaillons. Bien sûr, nous allons beaucoup à l'extérieur. Nous allons donner des conférences. Voilà. C'est un peu ce que fait le Y des femmes. Mais dis donc, alors, c'est tout un programme, disons. Oui. Audrey, tu avais une question? Oui, je me demandais, parce que vous avez parlé à quelques reprises du financement que vous recevez, et pour la plupart des organismes communautaires, c'est souvent le nerf de la guerre, et il nous reste peut-être seulement quelques minutes, mais je me demandais si vous pouvez nous dire si, justement, à cause du financement dont vous avez besoin pour faire vos projets, parfois vous devez vous limiter dans les projets que vous désirez faire ou les enjeux que vous voulez adresser parce que vous savez que ça recevra, que vous recevrez peut-être pas de financement de la part du gouvernement qui lui aurait d'autres priorités. Ben, vous êtes exactement, vous tombez pile exactement sur ce que nous avons à vivre au quotidien. En fait, nous sommes tributaires de subventions. Alors, chacun des programmes que je vous ai décrits est toujours un programme subventionné. Aucun de ces programmes n'est payé par nous. On n'a pas les sous qu'il faut pour le faire, même si nous avons, j'ai oublié de vous dire que nous avons ici un petit hôtel, 3 étoiles, très bonne adresse aussi, qui nous permet aussi de faire un petit peu nos frais au niveau de notre personnel et de garder une administration qui peut se faire. On a quelques salles que nous louons. Donc, en dehors de ça, ce sont toutes des subventions. Or, actuellement, c'est vraiment cela qui se produit, c'est qu'il y a à certains moments, on a un projet, actuellement, on en a un énorme, un magnifique, mais sur lequel on planche beaucoup pour essayer de trouver des subventions. Les subventions ne sont pas encore au rendez-vous pour ce projet-là. Donc, on le transforme, on travaille avec, on rencontre beaucoup de gens. Alors, il y a des moments où on est obligé de dire non à des projets parce que les subventions ne sont pas au rendez-vous. On a un petit peu de difficulté, par exemple, à subventionner l'alphabétisation, comme je vous disais tantôt. Okay. C'est un peu difficile. Alors, donc, c'est vraiment un enjeu majeur et quotidien. Et moi, c'est mon travail au quotidien avec mon équipe de fouiller, d'aller chercher, de rencontrer, de réseauter. Alors voilà, oui, c'est un enjeu extraordinaire, mais à date, ce que nous faisons a beaucoup d'impact chez les femmes. Alors donc, les bailleurs de fonds sont encore au rendez-vous. Nous avons une fondation ici aussi qui nous aide dans cette recherche de fonds et qui, on fait un gala, soirée femmes de mérite, un grand gala à la fin du mois de septembre qui nous permet de survivre et qui nous apporte quelques centaines de milliers de dollars et qui sont remis au Y pour ces activités. On est vraiment toujours en recherche de subventions. Je pense que mais vous avez compris moins, l'enjeu. Oui, et au moins la Journée de la femme, ça sert peut-être au moins à ça, à parler de ces associations et à attirer un petit peu des dons et à mettre la lumière là-dessus. C'est passionnant tout ça. Oui. Malheureusement, l'heure se termine et on a plus beaucoup de temps, enfin on a même plus de temps pour en parler. Donc en tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous et on vous souhaite une très bonne journée de la femme et puis voilà, une très bonne continuation dans toutes vos actions. C'est passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion et une belle journée de la femme à toutes les femmes du monde. Exactement. À vous, mesdames. Au revoir.